Quel est ce bruit violent à mes oreilles qui me fait grincer des dents et me réveille? Je me suis planqué sous l'oreiller pour continuer ce rêve qui s'est brisé. Mais rien n'y fait, je suis son prisonnier. Le réveil a sonné, 8 heures passées. Le jour se lève, n'est pas un rêve. La journée vient de commencer. Tout s'accélère, je cours derrière. C'est la galère, j'ai la tête à l'envers. Maman tire les rideaux de la fenêtre. Fini pour le repos et le bien-être. Il faut se lever, il faut se laver, et puis descendre petit déjeuner. Les yeux dans le brouillard ébouriffés, je me cogne dans le placard, le bout du nez. Mon cœur palpite, tout va trop vite. À peine levé, je dois me dépêcher. Tout s'accélère, je cours derrière. C'est la galère, j'ai la tête à l'envers. Si tous les matins de l'existence, c'est le même scénario qui recommence. Quand tout démarre, t'es en retard, c'est le réveil qui donne le départ. Mais il y a 2 jours dans la semaine où tout est merveilleux, vengeance malsaine. Mon vrai bonheur, quand vient 10 heures, c'est d'aller réveiller mes frères et sœurs. Tout s'accélère, je cours derrière. C'est la galère, j'ai la tête à l'envers.